Présentation à Dressen en Allemagne d'une première tranche de la Coupe du Monde, en fait, première de deux. Et question de savoir un peu à quoi s'attendre. On a des résultats. On parle avec notre collaborateur de patinage de vitesse sur contre-piste, François-Olivier Robert. Salut, François. Oui, salut. François, évidemment. Je vais donner les résultats par commencer. C'est les résultats préliminaires, c'est les rondes de qualification. Donc, pour ceux qui nous intéressent, on a Marianne Saint-Gelais au 500 mètres qui aurait remporté la ronde de qualification avec un temps de 43 secondes. Cassandra Bradette de Saint-Félicien, 44-946 pour la huitième position. Au 1000 mètres, c'est Valérie Maltais qui a remporté avec un temps de 1 minute 31, 276. On a Marianne Saint-Gelais qui est en deuxième position avec un temps de 1 31 et 467. Au 1500 mètres, je vous défile ça en même temps. Dans la première course, Marie-Ève Drolet a remporté la victoire avec un temps de 2 minutes 28 secondes et 919 centièmes. Cassandra Bradette, elle a pris le 12e rang avec un chrono de 2 minutes 55 secondes et 5 centièmes. Et dans le deuxième 1500 mètres, Valérie Maltais, première place, avec un temps de 2 minutes 27 et 417 centièmes. Marie-Ève Drolet, 5e, 2 46 799. Je vois pas de Marianne Saint-Gelais au moment où on se parle. Et du côté du 3000 mètres, on a le Canada en troisième place avec un temps de 4 minutes 15 secondes et 117 centièmes. C'est la Nouvelle-Zélande qui est en première position. Évidemment, c'est des résultats, c'est des rondes de qualification. Donc, à quoi s'attendre François-Olivier de la première tranche de deux, vendredi, ce qui compte en Coupe du Monde, c'est de passer les qualifications, là, ce que les filles et ce que les gars espèrent, c'est d'être dans les deux premiers de leur qualification toujours, dans les deux premiers, dans les deux premières, pour pouvoir accéder aux meilleures rondes ensuite, puis c'est de passer les rondes comme ça, là, dans les deux premières de leur course toujours. Puis c'est ce que les filles puis ce que les gars souhaitent faire. Puis là, ça a bien été aujourd'hui. Puis c'est nous pour la fin de semaine, ce qui est important, en fait, moi je pense à Marianne Saint-Gelais, c'est sa dernière Coupe du Monde avant les championnats du monde, parce que Marianne va faire l'impasse sur la Coupe du Monde la semaine prochaine qui va avoir lieu à Minsk. Elle a jugé que sa préparation en vue des championnats du monde c'était mieux de pas passer par la Biélorussie. Fait que pour elle, c'est la dernière Coupe du Monde de la saison. Donc c'est super important pour elle d'avoir un feeling de course, de se sentir bien, de se sentir agressive, de sentir que son entraînement a porté fruit. Puis moi c'est ce que je pense pour l'instant, là. Très très important pour elle, puis pour l'équipe aussi, avec l'équipe de relais. Marianne sera pas là la semaine prochaine, donc c'est une dernière internationale avant le championnat du monde. Donc c'est tout mettre en place là, parce que c'est vraiment ça cette année, là. On vise des gros championnats du monde dans cette année pré-olympique. OK. Donc, là, on va surveiller ça de très, très près, évidemment. Donc, mais ce qui a retenu l'attention, puis ça avait tombé quelques heures après qu'on s'était parlé, c'est l'aide d'urgence qui est arrivée avec, en fait, au préalable, il ne devait pas avoir de course. L'équipe canadienne ne devait pas se rendre en Russie en raison du manque d'argent. Là, il est arrivé une aide de dernière minute de la Fédération québécoise de patinage de vitesse, donc c'est vous qui travaillez, et vous demandez également l'aide du public. Question que je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, le programme Allo Podium, il n'y avait pas bonifié justement pour les athlètes de haut niveau. Qu'est-ce qui s'est passé?